pas d'air, je marche seul. Chaque reflet éclaire mon linceul. La nuit s'étend, brûle dans mes veines. Chaque souffle efface la peine. Je suis Ryder Ski, la voix qui guide. Chaque instant marque une ride. Le sax murmure au fond du vent, comme un secret brûlant, vivant. Je prends vos cris, vos sommeils, je les transforme en avenir. Chaque vie ressemble mon chemin. Chaque vibration brûle ses mains. Je suis la braise qui ne s'éteint pas. Le rythme inscrit au fond de toi. Je suis l'élan qui vous entraîne. La flamme qui coule dans vos veines. I am the echo through your soul. The fire behind your eyes, born of silence, carved in flame, written in rust, in truth. I am Ryder Scale eternal, and I sing because of you. Chaque sourire éclaire mes pas, chaque note me guidera. Je danse encore dans vos regards, chaque cri devient un étendard. Je prends vos ombres, vos couleurs, je les embrase en mes ardeurs. Le sac gémit entre vos vies, comme un désir qui s'amplifie. I am the echo through your soul. The fire behind your eyes, born of silence, carved in flame, written in rust, in truth. I am Ryder Scale eternal, and I sing because of you. La tempête, je trace ma route. Chaque horizon efface le doute. Chaque vue est ressent ma vibration. Chaque souffle nourrit la passion. Le sac s'élève plaintif sincère, comme une voix dans l'univers. Ryder's Keel, basse immortelle, un empire gravé dans l'éternel. Les vents s'écartent, la nuit succombe. Chaque lumière résonne et tombe. Je suis le cri qui traverse le temps. Je suis le chant de vos. And I sing because of you.